Chic par Étienne Klein. Chères auditrices, chers auditeurs, je ne saurais démarrer cette émission sans d'abord vous souhaiter une bonne, une belle, une heureuse, une ultérieurement joyeusement mémorable année 2018. Je suis ravi que nous la commencions ensemble avec un joli sujet capable de réjouir l'âme et d'exciter l'imaginaire. Science et art, qui modèle qui? Tel sera en effet le thème de notre conversation scientifique d'aujourd'hui. On entend parfois dire que la physique est belle. Elle l'est, bien sûr. Il ne faut toutefois rien exagérer. Rares sont les étudiants qui s'effondrent en sanglots à la suite d'un spasme de réflexion esthétique qu'aurait provoqué en eux telle ou telle équation, telle ou telle découverte marquante. Reconnaissons plutôt humblement qu'en règle générale, la prétendue beauté de la science ne provoque que des émotions mesurées. Bien sûr, cela n'empêche pas que la science agisse comme une source d'inspiration pour les artistes, ni que cette influence soit réciproque. Des jeux de miroirs, des résonances, des clins d'œil, des « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette organisent une tension féconde et même une sorte de dialectique entre ces deux polarités de l'esprit humain. Il faut dire que les scientifiques et les artistes partent du même refuge, qui est la condition humaine avec ses pulsions créatrices. Est-ce à dire qu'ils visent le même sommet? Croire que oui relèverait sans doute d'une nostalgie naïve. Mais c'est justement parce que la science et l'art ont des ambitions séparées qu'il est intéressant d'examiner leur rapport. On peut le faire en partant du constat déjà établi par Bertolt Brecht dans « L'achat des cuivres », un texte écrit en 1945. Il écrit ceci. « Les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes dont ils ignorent tout. Ils s'imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination, et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence. Il se peut que tel homme ait un don particulier pour une discipline particulière, mais il n'est pas d'autant plus doué dans cette discipline qu'il est plus incapable dans toutes les autres. Même si l'humanité a dû souvent et longtemps se passer du savoir comme de l'art, il reste que l'un et l'autre sont essentiels à ce que nous considérons être l'humain. Il n'existe personne qui soit totalement dépourvu de savoir, et il n'existe personne qui soit totalement dépourvu d'art. » Fin de citation. La discussion est donc lancée, et je propose que nous la poursuivons avec Thomas Schlesser, que je salue. Bonjour Thomas Schlesser. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'École Polytechnique et directeur de la fondation Hartung Bergmann, qui se situe, je crois, près d'Antibes. Absolument. Et vous avez publié plusieurs livres, notamment Le journal de Courbet en 2007, oui. Et plus récemment, L'univers sans l'homme, les arts contre l'anthropocentrisme, qui est paru, je crois, en 2016, un très beau livre, magnifiquement illustré par des reproductions. Et grâce à vous, j'ai découvert une citation du peintre symboliste Odilon Redon, issue de son journal, c'est à la page du correspondant au 12 avril 1869. Il écrit ceci, « Le beau et le bien sont au ciel, la science est sur la terre, elle rampe. » Avec ce genre d'avis en tête, on a du mal à imaginer comment l'art pourrait s'inspirer de la science, qui est si basse. Alors c'est d'autant plus paradoxal que précisément Odilon Redon sera un de ces artistes qui sera considérablement nourri de science, va spéculer à partir de la science, et notamment de tout ce qui concerne l'évolution de Darwin. Il n'a pas été un lecteur direct de Darwin, en tout cas on n'en a pas le sentiment à le lire. En revanche, il a été très influencé par un de ses amis qui était botaniste, Armand Claveau, et beaucoup des tableaux de Redon qui sont très plein de formes très hybrides ont été en fait des résultats de cette révolution énorme qu'a été l'avènement du darwinisme dans la deuxième partie du 19e. Est-ce que cet avis qu'il dit là, qu'il exprime là, c'est un avis général, même s'il est un peu en contradiction avec ce qu'il pense vraiment? Alors, à cette époque-là, 1869, est-ce qu'on pense vraiment que la science rampe? Alors, d'abord, je crois qu'il faut dire qu'Odilon Redon est né en 1840, qu'il est encore relativement jeune à ce moment-là et qu'il va évoluer. Néanmoins, c'est un artiste qui reste très très nourri, en effet, de spiritualisme, de mysticisme. Mais vous le savez très bien, Étienne Klein, au 19e siècle, l'opposition n'est pas si simple entre science d'un côté et occultisme, mysticisme de l'autre. Il y a un tressage entre les deux. On en a de nombreux exemples. Je crois aussi que, évidemment, dans la phrase de Redon, il y a une sorte de revendication anti-progressiste qui est très très très très courante au XIXe siècle. C'est le courant romantique, et pas seulement, avec des gens aussi illustres que Baudelaire sur lesquels par exemple, reviendront. Oui, Baudelaire est quelqu'un qui, en effet, face au progrès, qui est érigé en nouvelle idole au XIXe siècle, cette idée que par la science, par les techniques, par le positivisme, on va enfin pouvoir tout résoudre et créer d'une certaine manière un paradis terrestre, hein, actualiser le paradis, eh bien, face à cela, il y a beaucoup d'artistes qui considèrent qu'au fond, ce sont des trahisons de l'imagination, ce sont des trahisons du rêve, et qu'il convient d'en revenir à des messages qui soient beaucoup plus subjectifs et empreints d'individualité plutôt que de rationalisme. Alors Thomas Schelser, j'ai une question à vous poser qui vient simplement de ma curiosité. Je l'ai dit, vous êtes professeur d'histoire de l'art, vous faites de la recherche par ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la recherche en histoire de l'art? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une activité plutôt d'historien? C'est une activité d'historien, mais dans votre question est curieuse, c'est comme si une activité d'historien n'était pas une science. Elle en est une, Étienne Klein, c'est une science humaine, parmi d'autres, qui se fonde sur une méthode et une recherche de vérité. Alors évidemment, il est toujours plus difficile de tester des hypothèses quand on est dans le champ des sciences humaines. Mais enfin, il est vrai que l'histoire de l'art se fonde, comme l'histoire, sur des études d'archives, par exemple. Pour reconstituer la vie d'artiste, il est nécessaire d'aller fouiller dans leurs correspondances, leurs journaux intimes, dans les actes notariés et autres. Et puis, c'est une science parce qu'elle est exigeante sur le plan de la réflexion, sur le plan aussi de l'articulation entre tous les domaines de compétences que va mobiliser l'histoire de l'art. Je vous en donne un exemple. Pour savoir comment est-ce qu'un tableau a été fabriqué, eh bien, on peut faire recours au rayon X, ce qui permet de mesurer des repentirs, de mesurer au fond la façon dont, petit à petit, une œuvre a été élaborée. Eh bien, tout ceci mis ensemble permet de reconstituer non seulement des vies d'artistes, mais je dirais une vie plus générale des formes et des images. Or ça, c'est une part très très importante de l'histoire des civilisations. Mais est-ce que tous ces aspects de la recherche vous rendent capable aujourd'hui de voir les tableaux du passé comme ils étaient vus à l'époque? Ça c'est le défi ultime, c'est très très difficile. D'une part, pour deux raisons. La première, c'est que on ne peut pas essentialiser un regard du passé. Il y a des regards du passé. Et entre un fidèle, pas tellement cultivé, qui arrive dans une église et voit un Caravage au début du XVIIe siècle, avec un certain nombre de symboliques, et puis un haut dignitaire du clergé, évidemment, le regard ne va pas être le même. Ça, c'est le premier point. Puis la deuxième difficulté, c'est que nous avons naturellement tendance à plaquer notre propre regard sur l'art du passé. Par exemple, nous imaginons que nos horizons d'attente vis-à-vis de l'art étaient exactement les mêmes dans le passé. Aujourd'hui, communément, on pense qu'un artiste doit être libre, et libre de la manière la plus illimitée qui soit. C'est Adolphe Thiers qui disait ça dans les années 1820, avant lui-même d'ailleurs de devenir un des plus gros censeurs des artistes. Mais cette idée de liberté en art est une idée récente. C'est une idée qui germe et qui se développe au 19e et surtout au 20e siècle. Qu'un artiste et qu'une œuvre soient dépositaires de liberté à la Renaissance, c'est loin d'être évident. Et alors, j'ai parlé dans ma présentation de votre livre « L'univers sans l'homme », livre magnifique dont je recommande la lecture. Le texte est magnifique, mais les illustrations le sont également, évidemment. Et qu'est-ce qui vous a donné cette idée de voir comment les artistes ont imaginé un univers dans lequel l'homme ne serait plus présent. Et il parle évidemment du futur. Alors c'est très curieux, c'est une histoire un peu personnelle. Il y avait une exposition sur un artiste contemporain que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Huyghe au Centre Georges Pompidou en 2013. C'est un artiste, pour vous donner quelques idées de ce qu'il fait, qui a produit par exemple des aquariums avec donc une vie organique qui s'y développe, qui s'y meut, et ce avec des recours à un univers chromatique très étonnant, très onirique. Et un de mes amis me dit qu'il a lu une interview de Pierre Huyghe dans laquelle Huyghe explique qu'il a trouvé confirmation de ses intuitions sur ce qu'il appelle le monde sans l'homme à la lecture de deux philosophes, Quentin Meillassoux d'une part et d'autre part Bruno Latour. Et comme on dit communément, cela m'a interpellé. Ça l'a en tout cas m'a un peu remué. Il se trouve que deux semaines plus tard, par vraiment un concours de circonstances absolument étonnant, je suis tombé sur le salon de 1859 de Charles Baudelaire, que je pensais connaître par cœur, et dans lequel Baudelaire parle d'un art qui relèverait de l'univers sans l'homme. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un signe, il faut que je travaille absolument sur cette notion et sur cette représentation. Donc vous avez interprété une coïncidence. C'est la synchronicité. Exactement. Alors on peut peut-être citer une phrase de Baudelaire dans ce texte de 1859, qui est celle-ci: « Les artistes qui veulent exprimer la nature moins les sentiments qu'elle inspire se soumettent à une opération bizarre qui consiste à tuer en eux l'homme pensant et sentant. » C'est-à-dire, il est très difficile d'imaginer la nature sans que l'homme y soit présent. Oui, et ce que dit Baudelaire, c'est qu'en fait, il vise en particulier des artistes qui sont les artistes qu'on qualifie à l'époque de réalistes ou de naturalistes. Et savez-vous comment il les rebaptise ? Il les rebaptise des artistes positivistes, comme s'ils faisaient au fond partie, ils accompagnaient ce mouvement donc d'observation archi-rationnelle du monde. Et ces artistes, ils ne citent pas Gustave Courbet, mais ils pourraient en faire partie. Il s'agit notamment d'artistes qui vivent en communauté dans une forêt, non loin de Paris, la forêt de Fontainebleau, et qui, d'après Baudelaire, c'est contestable, la vision de Baudelaire est contestable, mais en tout cas, d'après lui, ces artistes feraient en sorte d'examiner le monde avec un regard froid, quasiment mécanisé, qu'on pourrait apparenter au regard de la photographie. Et donc, aux yeux de Baudelaire, délibérément, ils en viendraient à sacrifier en eux-mêmes les facultés d'imagination et d'idéalisation. Et ça, pour Baudelaire, c'est intolérable, parce que là où Baudelaire voit dans l'homme une instance un peu intéressante, c'est quand il mobilise en lui-même ses qualités poétiques. Et vous parliez du philosophe Quentin Meillassoux, qui est un jeune philosophe, qui a écrit cet essai qui s'intitule « Après la finitude, essai sur la nécessité de la contingence », dans lequel il explique qu'il faut devenir capable de penser un monde sans penser, un monde indifférent au rapport au monde. Ouais. Et il reproche notamment aux philosophes qui ont fait dépendre le temps de la conscience, de s'interdire d'imaginer un monde dans lequel aucune conscience n'était là pour créer le temps, finalement. Exactement, ce qu'il appelle, donc c'est une lutte contre la pensée qu'on appelle le corrélationnisme. Il y a quelque chose qui existe pour une conscience qui va venir l'interpréter. La pensée de Quentin Meillassoux est vertigineuse. Je ne suis pas philosophe, donc je ne peux l'aborder, je dirais, qu'en amateur, non en spécialiste. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que parmi les artistes contemporains, il y en a beaucoup qui ont été très frappés par cette lecture, dans la mesure, et notamment Pierre Huyghe que je citais, mais d'autres encore, en particulier parce que on imagine toujours une œuvre d'art comme étant une création qui se donne à autrui et qui ne pourrait pas exister comme un monde en soi, indépendamment d'un regard extérieur. Et en fait, beaucoup d'artistes, dans la deuxième partie du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, cherchent, d'une façon qui est évidemment tâtonnante et peut-être d'ailleurs discutable, c'est peut-être un idéal inatteignable, mais en tout cas à faire ces œuvres qui seraient indifférentes au regard humain. Est-ce que c'est possible ? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça va parler à nos auditeurs, mais une artiste qui est apparentée au Land Art, une artiste américaine qui est morte il y a quelques années maintenant, il y a assez peu de temps, qui s'appelle Nancy Holt, et qui a fait une série d'œuvres qui s'appelle des Buried Poems. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont tout simplement des poèmes qu'elle est allée enterrer dans les déserts de l'ouest des États-Unis. Et donc, ces œuvres existent en tant que telles, mais elles ne se donnent à personne. Elles sont là, quelque part, et il n'y a, pour ainsi dire, aucune conscience qui puisse les activer, puisqu'elles sont sous terre. Alors, peut-être on pourrait dire, elles sont dans l'attente d'une activation, bien sûr, et je pense que philosophiquement ça se tient, mais peu importe, n'allons pas jusqu'à un tel pragmatisme très trivial. La pensée de Nancy Holt, en tout cas, c'est d'essayer, c'est de tendre vers une œuvre qui existerait en dehors de tout regard humain. On a parlé de peinture, on a parlé de poésie, l'art c'est aussi la musique, ou plutôt la musique c'est aussi de l'art, et le moment est venu d'écouter le premier morceau que vous avez choisi, Thomas Schlesser. Thomas Schlesser, on dirait du Leonard Cohen, mais pas que. C'est une réadaptation par Anna Calvi, qui ne chante pas ici, qui est une chanteuse extraordinaire. J'adore ce morceau. D'abord, je trouve qu'il a une dimension cosmique. Hein. On a l'impression d'être aux confins d'un trou noir. Mais surtout, c'est un morceau dans lequel l'interprétation d'Anna Calvi est toujours à la limite de la discordance. Je crois que c'est une donnée fondamentale de la beauté. Vous savez, il y a cette phrase de Victor Hugo, la symétrie, c'est l'ennui. Et pour que une œuvre nous affecte, il y a besoin de, à chaque fois qu'elle flirte avec l'aspérité, avec l'incohérence, avec la bizarrerie. Vous savez, les physiciens ont fait leur miel de la notion de brisure spontanée de symétrie. Racontez-moi. Qui est à l'origine du boson de Higgs, ça sera le sujet d'une autre émission, mais justement, la symétrie n'est vraiment féconde en physique que lorsqu'elle est violer un peu, beaucoup, ça dépend, mais il y a toujours une différence entre la symétrie des équations et le monde empirique qu'elles sont censées décrire. C'est-à-dire le monde empirique est moins symétrique que les équations qu'ils décrivent. Vous voulez dire que, du coup, en fait, la physique était entièrement modélisée, elle serait essentiellement sous forme d'équations symétriques. Bah, disons que le monde empirique ne ressemble pas à ce que les équations de la physique en disent. Par exemple, si vous prenez les équations fondamentales de la physique, si vous changez T, le temps, en son opposé, vous changez le cours du temps, les équations restent les mêmes. Or, nous voyons autour de nous des phénomènes irréversibles qui se déroulent dans un sens qui les amène dans des états qui ne ressemblent jamais à leurs états initiaux. Et donc, il faut comprendre comment des équations symétriques peuvent rendre compte d'un monde qui l'est moins. Et Étienne Klein, est-ce que vous-même, vous voyez parfois le monde en termes d'équations? Ah, Ben j'essaie, mais c'est d'habitude moi qui pose les questions dans l'émission. J'essaie d'imaginer ce que les équations diraient si elles pouvaient parler du temps, par exemple. Vous savez qu'il y a un artiste du nom de Laurent de Robert, que j'aime beaucoup, qui fait des mathématiques existentielles et qui donc essaye sous forme d'équations de ramasser, de modéliser des grands concepts, l'absurde, l'amour. Il pourrait même, en vous voyant, faire votre portrait sous forme d'équations mathématiques. Laurent de Robert, c'est vraiment un artiste très très intéressant. Alors il y a un autre artiste que sans doute vous connaissez très bien, Romano Palca, bien sûr, qui a peint la suite des nombres entiers. Absolument. Et puis à chaque fois qu'il avait terminé un tableau, il se prenait en photo et donc il a séparé le cours du temps. Oui. La suite des instants, c'est la même chose que la suite des nombres premiers. Ils sont tous différents, mais ils sont tous fabriqués de la même façon. Ouais. Donc ça, c'est le cours du temps. Et puis, le vieillissement qu'on voit augmenter sur son visage, c'est la flèche du temps. C'est-à-dire, c'est l'irréversibilité des phénomènes. Donc il a produit une œuvre qui parle beaucoup aux physiciens sans que l'origine de cette œuvre lui ait été inspirée par la physique. Tout à fait. Je crois que c'est une histoire personnelle, d'ailleurs, une histoire d'amour. Oui. Ce qu'on dit moins sur l'œuvre de Romano Palca, c'est que dans son protocole, ça s'accompagne aussi de l'enregistrement de sa voix. Chaque oui. jour. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est de mesurer à quel point par petites inflexions successives, la voix change. C'est une sensualité oui, il a très... Il a commencé en 1965 à Varsovie, après que la femme qu'il aimait soit arrivée en retard à l'un de leurs rendez-vous. Exactement. Et pendant cette attente angoissée, il a senti la compacité du temps, et quelques mois plus tard, il s'est mis à peindre cette œuvre qui lui a occupé pendant plusieurs décennies. Et sans qu'il s'ennuie jamais, d'ailleurs. Bien sûr, et qui était exclusive. Hein, il ne faisait que peindre cette succession du temps. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, on parlait de la fin du monde, enfin, du monde après la disparition catastrophique ou naturelle, disons, de l'homme. Est-ce qu'on a le droit de dire que les artistes ont vu, avant les scientifiques, la possibilité de l'apocalypse? Est-ce que la notion de progrès n'aurait pas rendu les scientifiques aveugles à l'apocalypse? On n'envisage pas que cela puisse mal finir, puisque selon l'idéologie du progrès, il n'y a ni mal, ni fin. Je crois que l'évolution décisive, c'est que, si on prend la notion d'apocalypse à la Renaissance, il y a coïncidence entre fin de l'espèce et fin de l'espace. Hein, on en arrive à une espèce de fin des temps où donc tout s'arrête. Ce qu'on voit commencer à émerger au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est la pensée vertigineuse que la fin de l'espèce pourrait se produire et que la fin de l'espace, pour autant, n'en serait pas actée. Que l'environnement dans lequel l'espèce évolue, eh bien, continuerait indifféremment à cette extinction à être, hein, une rémanence, si vous voulez, de l'espace. Pour répondre plus précisément à votre question, je crois en tout cas qu'au XXe siècle, les artistes, qu'ils soient d'ailleurs plasticiens ou cinéastes ou romanciers, ont considérablement œuvré à matérialiser le danger de ce qu'est la fission de l'atome. Je ne sais pas si les gens le savent forcément, mais Einstein lui-même disait dans les années 50 qu'il était extrêmement inquiet et que, en effet, son invention était susceptible, par les méfaits des radiations, d'anéantir l'espèce humaine. Enfin, c'est pas une invention d'Einstein. La bombe, il n'y a pas contribué, sauf par une lettre. Mais c'est la fission, la découverte de la fission en 1938, oui. qui a rendu possible ce type de bombe, et Einstein a été le premier à s'en inquiéter. Oui. Mais dites-moi si je me trompe, mais également à s'en sentir d'une certaine manière un peu coupable. Est-ce que j'extrapole? Non, il n'y a pas travaillé, il n'a pas vu venir la fission, il n'a pas anticipé, il s'est peu intéressé à la physique nucléaire. Ouais. Il a simplement été alerté en 1939 par des collègues qu'une telle possibilité existait. Il a écrit une lettre au président Roosevelt en août 1939. Oui. Pour dire, en gros, les Allemands pourraient faire une bombe atomique, et donc il a agi comme un lanceur d'alerte. C'est ça. Il s'est senti comme responsable, peut-être un peu, mais pas comme coupable du tout. En tous les cas, après Hiroshima et Nagasaki, nombreux seront les œuvres, en effet, à peut-être en essayant de congédier des peurs, mais aussi en annonçant comme des vigies une catastrophe possible, à travailler sur ces représentations, sur ces anticipations. du monde post-nucléaire. Je voudrais juste vous citer un film en la matière qui est Le Dernier Rivage, un film de 1959 dans lequel les derniers plans montrent la ville de Melbourne qui jusqu'alors avait été épargnée par des radiations au niveau mondial, qui a été finalement définitivement dépeuplée, et la caméra continue à tourner mais simplement dans des rues qui sont complètement vides et où on voit les papiers qui volent au vent. Et puis le dernier plan, c'est la bibliothèque de Melbourne, donc le lieu du savoir, le lieu des prises de conscience. Et devant, il y a une banderole où il y a simplement marqué « There is still time, brother ». Il est encore temps de penser, mon frère. Mais il y a aussi l'idée de l'extinction de l'espèce par un accident nucléaire ou autre. Mais il y a aussi l'idée que la technique pourrait rendre l'homme obsolète. Tout à fait. Pour reprendre l'expression de Günther Anders. Absolument. Est-ce que les artistes arrivent à deviner avant les scientifiques la possibilité de déclassement par des machines qui seraient capables de nous dépasser et qui nous mettraient dans une honte prométhéenne, pour reprendre l'expression de Günther Anders, c'est-à-dire on devrait être fier de les avoir conçues, mais en même temps elles nous mettent la pâtée. Ah mais c'est incroyable, parce qu'en fait la manière dont Günther Anders raconte ce sentiment de honte prométhéenne, où il est face à des objets, où il dit qu'un de ses amis est embarrassé avec ses mains parce qu'au fond les objets ont pris le pouvoir sur les êtres humains, il y a quasiment la même réaction, le même comportement 35 ans auparavant, en 1912 précisément, lorsque Marcel Duchamp et Fernand Léger visitent le salon de l'aéronautique et où ils tombent sur une hélice et ils se disent ça y est, la peinture est morte, parce que les objets manufacturés sont d'une beauté, d'une évidence, d'une présence qui est devenue tout à fait indépassable, et où d'une certaine manière l'art au XXe siècle va beaucoup mimer, reconduire ce complexe d'infériorité face aux qualités de la technique. Essayer soit de contourner, de rattraper, mais c'est quelque chose qui est très très présent dès le début du XXe siècle. En fait, c'est Rabelais, je crois, qui a inventé le mot catastrophe, enfin, qui l'a introduit dans la langue française en 1564 pour désigner un bouleversement se produisant par renversement, retournement. Et ce mot allait bientôt désigner la destruction, la calamité, le désastre, le cataclysme. Mais est-ce qu'on est capable de dire à quel moment le désir de catastrophe presque s'épanouit, quand plus rien ne va plus, quand plus rien ne va, pardon. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre pessimisme et l'idée de la fin du monde ? Écoutez, moi j'ai c'est ce que je défends dans mon livre, j'ai le sentiment qu'il s'opère quelque chose au milieu du XVIIIe siècle. D'abord parce qu'il y a un événement qui est terrible, qui est le séisme de Lisbonne en 1755. C'est la date à laquelle vous faites commencer votre livre. Oui, c'est un événement terrible où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts à Lisbonne à cause d'une combinaison entre tremblements de terre, tsunamis, incendies, etc. Et où la réaction du clergé, le discours du théologique, consiste à mettre ça sur le dos de la Providence. Au fond, il y aurait une punition divine. Dieu s'est saisi de la nature pour remettre Lisbonne la décadente dans le bon chemin. Ce à quoi certains philosophes un peu courageux répondent que c'est obscène, d'abord parce qu'il y avait des pauvres à Lisbonne qui sont morts aussi, il n'y a pas que des palais qui se sont effondrés, et que c'est absurde. C'est Voltaire, vous parlez de Voltaire. Et notamment Voltaire. Voltaire et Kant, mais surtout Voltaire, qui s'est rendu très célèbre avec ses considérations sur le séisme de Lisbonne, et à la fois dans Candide et dans un poème dédié à cet événement. Et Voltaire dit, mais c'est une pure mécanique, la nature. Bon, ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu n'existe pas, mais en tout cas, la nature est une pure mécanique, indifférente au sort des hommes. Et si on arrive à comprendre les lois de la nature, alors on pourra prévoir et peut-être prévenir ces accidents. Oui, mais alors ça, pardonnez-moi, mais c'est la vision très prométhéenne des scientifiques convaincus par le progrès et les qualités humaines. Je suis très très méfiant avec ce genre de vision, comme si la nature était une boîte à outils où on pouvait en faire à peu près ce qu'on voulait. Alors, je ne sais pas si c'est votre vision personnelle, Étienne Klein. Non, pas du tout, mais il me semble que c'est le point de vue que défendait Voltaire. Certainement, et d'ailleurs on reproche à cette philosophie des Lumières au XIXe siècle de faire germer toute cette idéologie du progrès, au fond aveuglément confiante. Et qui... J'ajouterais une petite chose, c'est que il y a aussi, chez les artistes, ne l'oublions pas, une potentielle complaisance. La catastrophe, la fin du monde. C'est un sujet. Mais c'est un sujet. C'est un sujet magnifique. Parce que c'est un sujet édifiant, c'est un sujet qui fait peur. La beauté, elle est d'autant plus forte qu'elle est convulsive. Et par conséquent, c'est vrai que dans la deuxième partie du XVIIIe, on voit beaucoup de scènes de catastrophes à l'état pur qui naissent, hein, avec soit des civilisations englouties par l'activité volcanique, des avalanches, des tempêtes. Et c'est en effet un sujet, pour ainsi dire, vendeur. Comme il l'est d'ailleurs aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si vous êtes... Vous voulez dire qu'il y aurait des préoccupations mercantiles dans le fait de choisir ce sujet plutôt qu'un autre ? Et comment ? Regardez l'industrie hollywoodienne, rien n'est plus rentable, au prétexte d'ailleurs souvent de dénonciation politique, rien n'est plus rentable et de vigie écologique que de narrer le moment où la Terre se... entrera dans sa catastrophe finale, voir les films de Roland Emmerich sur le sujet, par exemple. Ou bien celui de Lars von Trier que vous commentez, Mélancolia. Oui. Alors Mélancolia, c'était le titre qu'avait choisi Sartre pour son livre La Nausée. Exactement. Puis il a changé. Est-ce que vous savez pourquoi ? Écoutez, je ne sais pas. Et alors donc dans ce film assez bouleversant, il y a donc une planète qui va entrer en collision avec la Terre. Et ça provoque des changements dans les caractères des protagonistes. Oui. Il y a notamment deux sœurs, Justine et Claire, l'une qui est dépressive et qui s'épanouit à mesure que la catastrophe arrive, et l'autre qui est plus saine en apparence, mais qui au contraire sombre quand elle comprend que l'apocalypse est inévitable. Oui. Est-ce que ça renvoie à quelque chose qui, dans l'imaginaire, est très profond ? On retrouve la même idée dans l'île mystérieuse de Tintin ? Ah oui, oui, oui, absolument. Et... L'idée d'une collision entre une planète et la nôtre ? Oui, et on retrouve ça aussi juste dans l'île mystérieuse. C'est incroyable le moment où Tintin est soulagé parce qu'il s'aperçoit que il y a encore un petit peu de temps et une case où il crie oura oura, la fin du monde est remise à plus tard. Ce qui est rassurant ou pas? C'est rassurant parce que c'est plus tard, mais c'est inquiétant parce qu'il y aura une fin du monde. Parce qu'il y aura une fin du monde. Et en plus, parce que je ne sais pas quel est votre degré de curiosité en la matière, mais on hésite entre l'envie de la garder à distance. Et puis cette curiosité, à quoi ça va ressembler cette fin du monde ? Enfin, personnellement, j'ai pas hâte. Hein. Alors, je vais parler non pas de la fin du monde, mais de la fin de votre livre, ce qui est quand même pas la même chose. Vous concluez par ces phrases : jamais il n'a été si nécessaire de matérialiser, de rendre sensibles et intuitifs les problèmes scientifiques, éthiques et politiques de notre contemporanéité. Jamais il n'a été si urgent d'œuvrer à des réponses s'écartant des modèles dominants de progrès. Jamais il n'a été si impérieux d'être vraiment humain, au moins pour quelque temps encore. Oui. À ce titre, on méditera à profit ce que rétorqua Martin Luther quand on lui demanda ce qu'il ferait si la fin du monde était pour demain. « Je planterai un arbre », dit le moine. quelle est la morale que vous voulez Il y a deux choses. La première, c'est d'abord qu'il faut continuer à planter des arbres. Et que ni cet ouvrage, ni ma pensée ne sont déclinistes, pessimistes, fatalistes. J'espère bien qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. La deuxième chose, c'est une sorte de supplique aux artistes. Vous savez, je crois que les artistes ont un rôle à jouer aujourd'hui dans nos visions à la fois scientifiques et bioéthiques. J'entends par là que en 1986, il y a eu un livre important de Ulrich Beck sur la société du risque, qui d'ailleurs est contemporain de Tchernobyl, et dans lequel Ulrich Beck disait « On ne peut pas laisser les grandes questions scientifiques aux spécialistes, aux experts autoproclamés. Ce n'est pas possible, c'est une vraie question politique. » Et Ulrich Beck en appelle notamment aux syndicats, aux associations, aux médias libres. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, les artistes, avec leur qualité non seulement de mise en forme et leur qualité d'enquête, doivent rendre sensible, de manière intuitive, ce que sont les grands problèmes de demain en termes de technique, de transhumanisme et autres. Alors, c'est le moment d'écouter le second morceau de musique, Thomas Schlesser, et on en parlera aussitôt après l'avoir écouté. J'ai cru oublier ce moment précis où mes doigts se posaient sur le piano. Je me souviens seulement, c'était la nuit. Tu chantais dans cet habit blanc d'été, un chant d'été qui en disait trop. J'ai cru oublier cet instant précis, mais mais il revient maintenant, vague ressac des flots. Ta bouche s'ouvrait en notes très précises, si légères et si chaudes, à champ de dunes, à monde nouveau, tu en sais trop. Oh mon Dieu, mon amour, cette mélodie me retourne. C'était un soir d'été à Paris, fenêtre ouverte car il faisait chaud. Thomas Schlesser, quelle est cette petite merveille? Alors c'est Barbara Carlotti et Philippe Catherine, un duo improbable, et je vous recommande le clip qui est pas piqué des hannetons, comme dirait ma grand-mère. Et je soupçonne cette chanson d'avoir une sorte de sous-texte. Elle s'appelle « Mon Dieu, mon amour ». Et si vous prenez les premières lettres, ça donne MDMA, comme la drogue. Alors je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est comme Lucy in the Sky et LSD. Exactement, j'ai le sentiment qu'en fait, en filigrane, il y a la mélodie qui est chantée, c'est celle d'un cerveau vrillé par la drogue. Ce qui nous renvoie évidemment à la puissance chimique qu'il peut y avoir. Et c'est une interprétation d'artiste ou vous avez fait une petite enquête? Je ne dirai rien. Alors, bon, par ailleurs, la chanson est vraiment super et j'adore Barbara Carlotti. Alors, vous dites dans le livre qu'on a cité tout à l'heure que la production artistique à la Renaissance était inséparable de la médecine, des mathématiques, de l'observation de la nature. Elle était, dites-vous, une fin en soi et un outil de connaissance. Oui. Est-ce que c'est toujours vrai? J'espère que ça va le redevenir. Et pour beaucoup d'artistes, c'est le cas. Beaucoup d'artistes contemporains qui sont vraiment... aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont incorporé l'enquête et la recherche de vérité. Pas simplement la recherche de la belle forme, qui est quelque chose de très désuet, même si c'est tout à fait légitime et valable, mais... En tout cas, qui est, je crois, un modèle qui est en train d'être dépassé. Donc, l'enquête fait partie de beaucoup de protocoles d'artistes qui, par conséquent, cherchent à produire une connaissance du monde. Et ça, c'est vrai que c'était le modèle renaissant. Le modèle renaissant était celui d'une connaissance du monde, où à la fois l'humanité était centrale parce que elle se plaçait comme le sujet par lequel eh bien on allait pouvoir décrypter enfin les mécanismes qui régissent le monde, mais où elle était non seulement donc ce sujet, mais elle était également l'objet. Ce que cherchaient les artistes de la Renaissance, c'était à mieux connaître l'homme. Alors ça c'est pour la science, mais il y a aussi la technique. L'art réclame une technique, même s'il ne se réduit pas à la technique. Il y a toujours un détournement des moyens techniques quand la finalité, c'est l'art et non pas l'outil ou la machine. Est-ce que aujourd'hui de nouvelles techniques bouleversent la façon de pratiquer l'activité artistique? On va enfin casser une bonne idée reçue ensemble, Étienne Klein. On a toujours le sentiment que les artistes du passé étaient d'immenses techniciens et qu'aujourd'hui, au fond, il suffit d'être conceptuel. Alors c'est vrai qu'au XVIe, au XVIIe siècle, les artistes fabriquaient par exemple même leurs couleurs. Et ça demandait un savoir-faire, une connaissance chimique. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Quelqu'un qui maîtrise la fonte du bronze, etc., ça demande un véritable savoir-faire. Mais aujourd'hui, non seulement c'est encore le cas, et je dirais même, ça l'est davantage. Quand un artiste, par exemple, va mobiliser le numérique ou l'informatique, prenons le cas d'un artiste que vous connaissez comme un artiste contemporain, comme Maxime Bondu. Bon. Mais c'est un savoir-faire qui est peut-être d'une autre nature, mais qui n'est pas moins exigeant du tout. C'est simplement que les médiums se sont déplacés, que maintenant, en effet, il y a beaucoup d'artistes qui ont écarté la peinture, le dessin, mais ça ne signifie pas pour autant que l'exigence technique est disparue, loin de là. C'est même exactement le contraire. Il faut apprendre à programmer, par exemple. Il faut apprendre à programmer. À coder. Pardon. À coder, comme on dit. Il faut apprendre à coder. Mais je vais vous donner un autre exemple. Vous avez un artiste du nom de Loris Gréau qui a collaboré avec des scientifiques américains pour favoriser l'activité bioluminescente des créatures des abysses. Ça demande des compétences en biologie. Alors, vous me direz, oui, mais c'est une œuvre en collaboration. Bien sûr, mais toute œuvre est toujours une œuvre en collaboration. Les pigments des artistes au XVIe siècle, ils poussent pas dans l'atelier. Donc, de toute façon, c'est un réseau de collaboration. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce serait parfaitement injuste de taxer les artistes contemporains de ne pas avoir d'exigences techniques. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, est-ce qu'on peut dire des artistes contemporains ou du passé qu'ils peuvent offrir des visions intuitives des grandes découvertes scientifiques? Je le crois. Écoutez. Est-ce que vous avez des exemples? Allez, deux exemples. À partir du XVIIIe siècle, naît une science tout à fait capitale qu'est la géologie. Qui cherche à rendre compte de l'âge de la Terre. Je crois que quand on voit des artistes qui font des paysages avec une grande rigueur stratigraphique pour figurer les roches, ils concrétisent le passage du temps. Et en un seul tableau, on a le sentiment tout à coup du vertige de la durée de la planète qui surgit aux yeux. Un second exemple. C'est pas évident pour quelqu'un de la deuxième partie du 19e ou du début du 20e siècle de comprendre ce que suppose le darwinisme. Pas évident. C'est-à-dire tout à coup que l'humanité n'est pas une instance insécable, fixe et à jamais la même et de tout temps, mais simplement une instance provisoire et transitoire. Eh bien précisément, les artistes, avec leur manière de penser l'homme de façon fantastique, en le croisant, soit avec des organismes animaux, ou même en spéculant sur un devenir qui serait un devenir robotisé, nous donnent une vision intuitive de ce qu'est l'évolution. Donc, vous le voyez, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une illustration de la science par la représentation artistique. Bien sûr que non. En revanche, et en termes d'enjeux et de vision globale, oui, les artistes jouent un grand rôle. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose de ce qui s'est passé, par exemple, au tournant des années 1920, la physique est entrée en crise, il y a eu une crise de la représentation. Oui. Avec la physique quantique, on peut plus vraiment dessiner les atomes. Oui. Dès qu'on fait un dessin, il y a un argument quantique qui vient dire que le dessin est faux. Oui. Il y a la musique sérielle, il y a le surréalisme. Est-ce que ces mouvements avancent de conserve par inspiration mutuelle? Mais ou est-ce que chacun vit sa propre crise pour des raisons particulières? Absolument pas. Toutes ces évolutions entrent en écho avec la naissance de quelque chose de fondamental au XXe siècle. À partir de 1910, et les choses vont s'épanouir encore plus dans les années 20, naît l'art abstrait. C'est-à-dire une mise à l'écart de la figuration, parce que la figuration est jugée comme insatisfaisante pour représenter les énergies profondes qui régissent l'univers. Il y a des arts abstraits. On ne va pas dire que l'art abstrait est monolithique, pas du tout. Certains vont s'orienter plus vers une abstraction qui est de qualité symbolique. D'autres vont être très très nourris de sciences dures. D'autres encore plutôt de spiritualisme, voire de gestualité et d'autonomie. Mais c'est très étonnant de voir qu'à partir de 1910-1920, de nombreux artistes, on peut les citer, Kandinsky, Malevitch, Mondrian, Paul Klee, un artiste qui m'est cher, Hans Hartung, d'autres encore, vont avoir le sentiment de traduire intuitivement par la qualité plastique de leurs tableaux ce que sont les grandes découvertes de leur temps et les grands mystères. Est-ce que c'est la raison pour laquelle autant d'artistes sont fascinés par la physique quantique, essaient de la comprendre, de la représenter? Oui. Se demandent comment les physiciens ont accès à l'invisible finalement, parce qu'on ne voit jamais ces particules. C'est ça. On les représente par des entités mathématiques dans des espaces abstraits qui n'ont rien à voir avec l'espace dans lequel se déroulent les expériences. Ça doit créer une fascination, ça. Ça a créé une fascination également, je le crois, même si ils sont peu à le dire, une forme de frustration. Parce que le XXe siècle est objectivement marqué par le fait que il y a un déploiement de visions esthétiquement extraordinaires générées par les sciences et les arts doivent un peu courir derrière parfois. C'est difficile à rattraper. Moi, je fais partie de ces gens qui vont regarder la façon dont on est capable de constituer, reconstituer artificiellement, numériquement des trous noirs, par exemple. Mais ce sont des émotions esthétiques très fortes. Alors évidemment, pour les artistes, c'est pas évident. Il y a quelque chose. Il y a en même temps un défi, parce que il y a quelques semaines, on remettait la médaille d'or du CNRS à Thibaut Damour, qui a fait les calculs qui ont permis de détecter les ondes gravitationnelles émises par deux trous noirs il y a 1,3 milliard d'années après qu'ils aient fusionné. Et ce sont des artistes qui ont essayé de représenter ce qui s'est passé. Et ça donne quelque chose d'absolument vertigineux. Oui. Imaginez une onde qui déforme l'espace-temps pendant des milliards d'années, plus d'un milliard d'années. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, je crois que ça va beaucoup se multiplier, des vraies collaborations très fertiles entre scientifiques et artistes. Je crois vous-même, Étienne Klein, vous avez collaboré un petit peu au sujet des Torre Majorana avec Maxime Bondu dont on parlait tout à l'heure. Un petit peu, oui. Il s'est intéressé à ce personnage qui m'a moi-même intéressé. Et on a eu de jolies discussions, en effet, sur ce que, symboliquement, il représente. Oui. Revenons un peu dans le passé, si vous voulez bien, Thomas Schlesser, à propos d'un texte que j'ai découvert grâce à vous, le roman expérimental de Zola, avec l'idée qu'on pourrait créer une littérature scientifique ou que le romancier, finalement, serait l'équivalent d'un médecin qui aurait bien appris les leçons de Claude Bernard. Oui, donc Zola a été très marqué, en effet, par les recherches naturalistes de Claude Bernard. Lui-même, d'ailleurs, est un artiste qu'on qualifie, un romancier qu'on qualifie de réaliste ou de naturaliste, donc dans le sens où il s'attaque à la nature humaine et également au fait social. Et il imagine que le roman pourrait être, au fond, une sorte de laboratoire. Alors, ça n'empêche pas le style, la qualité littéraire, mais une sorte de laboratoire dans lequel, on vient tester des réactions, quasiment des réactions chimiques ou des réactions animales entre différents types sociaux. Et tous les Rougon-Macquart de Zola sont sous-tendus par cet idéal qui voudrait qu'on comprenne mieux la société par le biais de la fiction et au fond qu'on finisse aussi par la littérature, on finisse par l'améliorer. Puisqu'après tout, si on fait des expériences dans un roman, c'est peut-être pour essayer de corriger des travers sociaux, psychologiques et autres. Donc voilà, ça c'était l'idéal de Zola. Il a été très attaqué de son temps à cause de cette ambition. Mais il y avait l'idée aussi d'une pédagogie, du coup, qui permettrait de changer la société par une meilleure compréhension que le roman donnerait de la société. Exactement. Alors, à la fin de ce texte, il dit ceci: « La médecine expérimentale qui bégaye peut seule nous donner une idée exact de la littérature expérimentale qui, dans l'œuf encore, n'en est même pas au bégaiement. » Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et puis, et surtout, on peut peut-être ajouter, si vous le permettez, que aujourd'hui, ce type de vision de la littérature existe encore. Chez qui ? Par exemple, je pense que Michel Houellebecq est un écrivain chez qui cette dimension expérimentale du roman est tout à fait valable. Donc c'est pas un hasard s'il a appelé l'un de ses romans « Les particules élémentaires » ? Exactement. Dans lequel, d'ailleurs, il prend en compte les leçons de la physique quantique et de ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique, qui a l'air de l'avoir fasciné. Il y a un autre texte, Thomas Schlesser, que j'ai découvert grâce à vous, le texte de Charles Baudelaire à propos du salon de 1859, dans lequel il explique tout le mal qu'il faut penser de la photographie, alors même qu'il se laisse prendre en photo par Nadar. Baudelaire a aimé deux personnes, je crois, dans sa vie. Trois avec sa mère, Théophile Gautier, mais qu'il a toujours vouvoyé, et Nadar, qu'il tutoie dans sa correspondance. Donc Nadar, qui est le plus grand photographe, avec Gustave Le Grey et quelques autres du Second Empire. Et Baudelaire déteste la photographie. Alors pourquoi la déteste-t-il ? Certainement parce qu'il a la sensation que la froide mécanique de la photographie va faire stagner l'humanité. Au fond, que celle-ci va passer son temps à s'étonner d'une technique plutôt que de jouir esthétiquement d'une œuvre. Et qu'en plus, les foules, les masses, la société, va passer son temps à contempler sa propre image dans la reproduction photographique, au lieu de tendre vers une surréalité, vers un idéal. Et Baudelaire a des mots, aujourd'hui, qu'on qualifierait de très très réactionnaires. Enfin, il y a même quelque chose de très très méprisant. mais assez savoureux. En matière, je le cite, hein, en matière de peinture et de statuaire, le credo actuel des gens du monde, surtout en France, est celui-ci. J'ouvre les guillemets. Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Fin de citation. C'est comme ça que Baudelaire comprend son temps. Et il ajoute, un dieu vengeur a excité les vœux de cette multitude, Daguerre fut son messie. Daguerre qui est l'inventeur de la photographie, et donc il assimile Daguerre au diable. Voilà. Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, croit le peuple, croit les insensés, dit-il, l'art c'est donc la photographie. Ouais. Et il s'en moque copieusement. Il s'en moque, mais il s'en inquiète aussi. Hein. Il s'en inquiète parce que ce qui lui fait peur, c'est vraiment qu'il y ait cette absorption de l'art par le domaine technique qu'il réduit ici dans ce texte à l'invention de la photographie. Mais vous m'accorderez que là, il s'est trompé, non ? D'abord, je crois que il peut y avoir des erreurs fertiles. C'est pas parce que quelqu'un se trompe que ce n'est pas intéressant. C'est d'ailleurs quelque chose de très important dans le domaine de l'art. Oui, je le dis moi-même d'Einstein. Ça, quand il se trompe, c'est génial. Et ben voilà. C'est exactement la même chose avec Baudelaire. Quand il se trompe, c'est génial. La deuxième chose, je ne crois pas qu'il se trompe complètement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que notre société du narcissisme est quand même beaucoup entretenue, pas par la photographie en particulier, mais par ces techniques de reproduction mimétique très immédiates que sont le cinéma, la photographie. Non, mais il y a une très grande distance entre la photographie et le selfie. À l'époque, la technique de la photographie demande une mise en scène, une élaboration. Vous avez raison. Qui ont été complètement supprimées par la facilité du portable. C'est vrai. Et c'est d'autant plus déroutant ce que dit Baudelaire que, au fond, quand il y avait des photographies avec des très longs temps de pose dans les années 1850, en règle générale, ça finissait par diluer toute présence humaine. Donc, le narcissisme en était pour ainsi dire. Dans La Chambre Claire, le livre de Roland Barthes sur la photographie, il dit ceci, que la photographie fait exister à la fois le passé et le réel. Il commande par exemple une photo d'un condamné à mort aux États-Unis, qui est dans sa cellule, il attend d'être pendu, enfin il attend sans impatience je pense, d'être pendu, et la légende que met Roland Barthes c'est « il va mourir et il est mort ». C'est génial. C'est-à-dire on voit ensemble deux moments du temps que la photo entremêle, et c'est le regard du spectateur qui permet de retemporaliser ce qui a été produit par la photographie. J'ai un vieux souvenir un peu vague de René Bazin, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est le cas, qui disait que ce qui serait intolérable, ce serait de filmer quelqu'un qui meurt et de passer le film dans les deux sens, hein, de le passer de vie à trépas, mais de le repasser dans le sens de trépas à vie. Et ça m'avait considérablement marqué, cette idée. Bah, les équations de la physique, comme je le disais tout à l'heure, laissent penser qu'en changeant le sens du temps, on ne change pas l'histoire. Ce qui reste à démontrer. Alors vous dites également, Thomas Schlesser, que l'art est aujourd'hui volontiers une vigie sur les grandes questions scientifiques à venir. Notre usage du progrès, on parle très peu de progrès d'ailleurs, on parle plutôt d'innovation maintenant. Oui, c'est vrai. L'écologie politique, le post-humanisme, le transhumanisme. Quelles sont à votre avis les grandes questions scientifiques qui méritent plus que d'autres l'attention des artistes? Pour moi, le grand enjeu qui a l'air maintenant d'être un lieu commun, mais ça fait juste un an que c'est un lieu commun, c'est l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des entités privées ultra puissantes qui sont donc en dehors de contrôle des citoyens. L'université de la singularité aux États-Unis, Ray Kurzweil, ça c'est des questions dont on n'a pas les moyens de s'emparer et où il se livre à des expériences sur lesquelles je ne peux pas avoir d'avis définitif, mais en tout cas dont je suis sûr qu'il mérite une scrupuleuse attention. Et je dois dire, et là je parle à titre personnel, que ce sont au fond les artistes qui m'ont alerté sur ces questions. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été portées à ma connaissance par le débat public, assez peu par le journalisme. C'est pour ça que vous parlez de vigie. Oui, exactement. Alors, c'est pas que les artistes apportent nécessairement des réponses, mais en tout cas, ils matérialisent des questions. C'est pas simple, les sciences dures, parce que ce sont des modèles qui sont des modèles très abstraits. Quand on parle de transhumanisme, au fond, c'est un concept, mais c'est très difficile de l'incarner. Donc, ce que font les artistes, c'est là, je trouve, où ils ont vraiment un rôle à jouer, et où pour certains, on pourrait en citer plein, mais Fabien Giroux et Raphaël Siboni, par exemple, ils font bien le job, c'est qu'ils donnent corps à ces questions. Et alors, comment est-ce que vous voyez la suite du débat sur l'intelligence artificielle, justement? Est-ce que le travail des artistes, le fait qu'ils sentent venir des choses qui pourraient être inquiétantes, voire destructrices pour notre propre intelligence, ouais, est-ce que ça va changer le débat public, à votre avis? Est-ce qu'ils ont cette puissance-là? Je pense pas qu'ils réclament autant de puissance, mais en tout cas, je crois que c'est aussi le rôle des médiateurs, pas simplement des artistes, que de sélectionner les meilleurs artistes pour que cela favorise les débats. Eux-mêmes ne sont d'ailleurs pas forcément voués à y participer, mais à les insuffler. Et si vous voulez juste mon avis personnel sur l'intelligence artificielle, je crois que, en effet, nous allons faire face à une immense question. Est-ce que nous sommes prêts à arrêter le progrès? Pas simple, parce que déjà poser cette question, c'est immédiatement politiquement être taxé de réactionnaire. Mais on n'arrête pas le progrès, c'est un dicton qui a changé de sens. Avant, il voulait dire, c'était un jugement moral, c'était un salut enthousiaste adressé au futur. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire, il ne serait pas bien de vouloir l'arrêter. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ça veut dire il est impossible de l'arrêter, c'est un jugement pratique. Oui, oui, il échappe à nos désirs et il a son propre cours. Je pense quand même que... Enfin, ou alors là, vous allez me faire sortir de l'émission extrêmement inquiet. Elle n'a pas de limite. Qu'on a encore un tout petit peu la main mise sur la façon dont on fait évoluer nos techniques. Le temps passe, Thomas Schlesser. Je voulais vous interroger sur Gustave Courbet. Vous êtes un spécialiste de ce peintre. On connaît ses tableaux, notamment L'Origine du Monde. D'ailleurs, curieux qu'il ait peint L'Origine du Monde et que vous vous intéressez à l'univers sans l'homme. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Gustave Courbet qui a mérité que vous y portiez autant d'attention? Ce qui est incroyable avec Courbet, c'est que c'est un artiste qui, avec des œuvres qu'on peut, pour certaines, qualifier de, en tout cas sur le plan du sujet d'anodine, par exemple des vues de forêt, des vues de chasse, un banal enterrement de campagne, qui a suscité des réactions d'une violence considérable de son vivant, et surtout des réactions qui sont très antagonistes. C'est-à-dire que Courbet est devenu un objet de débat public, que moi je qualifie de démocratique, parce que je pense que la démocratie, elle est faite de conflits, de conflictualité. Et Courbet a instauré une conflictualité sous le Second Empire, qui était une période qui a beaucoup privé le débat public de cette dimension. Et donc Courbet m'a intéressé parce que c'est un artiste qui est très politique, lui-même dans ses engagements. Presque provocateur, on pourrait dire. Provocateur, mais qui a, je dirais, qui en termes de réception, d'esthétique, de réaction, a déclenché quelque chose qui le dépasse complètement. Et c'est ça que j'adore. C'est voir comment il y a des chaînes de conséquences qui sont non maîtrisées à partir d'objets qui peuvent être, de prime abord en tout cas, des objets qu'on peut qualifier de triviaux ou de secondaires. Vous êtes professeur à Polytechnique, donc à des jeunes gens, des jeunes filles qui sont destinées à être plutôt scientifiques. Ouais. Comment est-ce qu'ils reçoivent vos cours? Est-ce que ça leur paraît être un ornement sympathique ou est-ce que ça fait partie vraiment de la culture qu'ils doivent acquérir? Ce que je leur dis, d'abord, c'est que je ne veux pas que l'histoire de l'art soit un supplément d'âme. Ça m'intéresse pas. Il y a une frustration là-dessus parce que beaucoup s'attendent à ce que un cours d'histoire de l'art leur permette de tout à coup avoir une révélation devant Cézanne et de jubiler, de trouver une nouvelle jouissance esthétique grâce à un professeur qui serait une sorte de gourou, quoi. Alors ça, je ne veux pas du tout de ça. Ce que je crois d'abord, c'est qu'il y a un véritable intérêt. Ils sont nombreux, hein, que ce soit en séminaire, en cours magistral. Et puis, par ailleurs, je pense que ils comprennent bien quelque chose, c'est que le monde a besoin de représentations symboliques. Et qu'on aura beau dire qu'on a des modèles qui résolvent tout sur le plan purement rationnel et scientifique, le symbolique reste absolument essentiel dans nos sociétés. Et l'art apporte ça. Ça va être la conclusion de notre émission, Thomas Schlesser. Je suis ravi de vous avoir reçu. Je recommande la lecture de votre livre, entre autres, L'univers sans l'homme. Et puis, puisqu'on vient de parler de Courbet, je voulais vous donner une petite anagramme. L'origine du monde, Gustave Courbet, ça donne ce vagin où goûte l'ombre d'un désir. Magnifique. Elle a été trouvée par Jacques Perisalkov. Merci à vous. Merci. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Pascal Bénard et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouverez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains.